Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'assassinat de Robert Kennedy en juin 1968. And how was, how badly is he injured? I have no, he was laying on the ground. God damn it. That's all I can say. He's been laying there for the last 8 or 9. Yeah, there's a pool of blood on the ground, naturally. I think he was shot in the, possibly in the head or the... Ice cube! C'est la confusion totale dans la nuit du 4 au 5 juin 1968, lorsque Robert Kennedy est abattu à Los Angeles le soir de sa victoire à la primaire démocrate de la Californie. 5 ans après son frère John, Robert Kennedy tombe à son tour sous les balles d'un assassin. L'Amérique se réveille ce matin en plein drame, une fois de plus. 2 mois après l'assassinat de Martin Luther King, 5 ans après la mort de son frère John, c'est Robert Kennedy qui est abattu à Los Angeles. Toute la nuit, le réseau NBC a transmis en direct des images et des récits de témoins. Ça a été une nuit d'horreur, de stupeur. Des femmes en larmes, des hommes qui tremblaient, une foule hystérique qui a failli étouffer les corps étendus de Bob Kennedy et de 3 autres victimes. Au quartier général du sénateur McCarthy, on a vu ceux et celles qui luttaient hier âprement contre Kennedy fondre en larmes et s'écrier « Mais qu'est-ce qui arrive à ce pays? Est-ce que ces meurtres ne vont pas cesser ?» Le vice-président Humphrey et le sénateur McCarthy ont annulé leur campagne. Le président Johnson a rendu publique une note de profond regret et d'indignation il y a quelques minutes. Dans les ghettos des États-Unis, il est sûr que l'on prie pour la guérison de celui qui était une quasi-idole. Il y a 2 jours à Watt, Los Angeles, un noir me disait avec une sorte de prévision de l'avenir « Robert Kennedy, nous l'aimons, nous. » Et si on le tue, celui-là, il a un autre frère qui prendra sa place et pour qui nous voterons. Ici Judith Jasmin à Washington. L'Amérique est sous le choc quand tombe la nouvelle, cette nouvelle de l'attentat contre Robert Kennedy. Pour nous faire revivre ce choc et le contexte dans lequel il survient, la politologue à l'Université de Sherbrooke, directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal, Karine Prémont. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. On l'entendait dans ce reportage de Judith Jasmin. On sent bien dans ce reportage-là toute l'émotion que vit ce pays, les États-Unis. C'est vraiment le choc. Deuxième assassinat, il tombe sous les balles d'un assassin 5 ans après son frère. Il y a tout un contexte, au fond, qui explique à quel point cette nouvelle-là ébranle l'Amérique. Oui, parce qu'en 1968, on est en pleine guerre du Vietnam, il y a des émeutes raciales un peu partout aux États-Unis, le contexte est assez volatile, l'opinion publique change souvent d'idées sur les grands enjeux, et il y a des leaders politiques également qui alimentent un peu aussi cette tension-là. Il y a l'assassinat de Martin Luther King qui survient 2 mois plus tôt. Alors, c'est ce contexte... On est en pleine primaire aussi. Chez les démocrates. Et donc, on est vraiment dans un contexte là où on a l'impression que tout peut survenir et ce tout-là n'est pas du tout positif et pas du tout pacifique. Et on est vraiment dans un climat assez violent, assez stressant, je dirais, en termes politiques là, et en termes sociaux. Et puis, bien sûr, je l'évoquais, mais c'est le deuxième membre de ce fameux clan Kennedy qui tombe sous les balles. 5 ans plus tôt, c'était John, le frère de Robert Kennedy. C'est lui, ce jour-là, donc, qui est abattu par ce tireur. C'est important dans l'équation aussi, cette perte d'un deuxième membre de la famille Kennedy, l'impact que ça a. C'est important aussi pour comprendre à qui on a affaire. Parlons-en un petit peu de ce clan-là. Oui. Il appartient à ce clan, à Robert Kennedy. C'est une famille où on vit de politique. La culture politique est très, très forte chez les Kennedy. Et Robert, donc, très tôt, s'intéresse à la politique. Et je pense que c'est probablement l'un de ceux qui s'y est intéressé le plus tôt et avec le plus de passion, en fait. Et il est entouré, évidemment, de discussions politiques parce que la famille Kennedy ne discute à peu près que de ça sur l'heure des repas. Il est le 7e enfant de la famille. Alors, forcément, ses grands frères ont beaucoup discuté de ça, son père aussi. Donc, très rapidement, il est complètement immergé dans ce monde-là. Et très rapidement, il va se prendre de passion pour ça. Il va s'impliquer très rapidement dans la carrière de son frère John pour commencer. Il va d'abord avoir dirigé sa campagne sénatoriale en 1952 et va occuper ensuite différents postes au sein du gouvernement américain. Et c'est là qu'il va faire ses armes. Mm-hmm. Notamment, il sera de la sous-commission d'enquête permanente du Sénat, la fameuse commission McCarthy oui. sur les activités anticommunistes, les activités communistes au sein du gouvernement, en fait. Donc, il va travailler, va faire ses armes en tant qu'avocat dans cette commission-là, qu'il quittera là, au bout de quelques mois parce qu'il trouvait que les tactiques de McCarthy n'étaient pas du tout appropriées. Ouais. Donc, il travaille là. Donc, et très rapidement, il va se faire un nom, justement parce que dans une famille telle que celle-là, on peut imaginer que se faire un prénom est plutôt difficile, mais il va y parvenir. Ouais. Après avoir travaillé à la commission McCarthy, qu'il quitte, il va ensuite travailler à la commission d'enquête du Sénat sur le crime organisé. C'est là, justement, où il va se faire connaître du grand public, notamment parce qu'il va s'attaquer à Jimmy Hoffa, mm-hmm. au syndicat, au crime organisé au sein du syndicat. Jimmy Hoffa, qui est un des grands leaders syndicaux, mais qui a des accointances avec le crime organisé. Exactement. C'est un gros morceau, là, voilà. Effectivement. Là. Donc, il s'en prend pas au menu fretin. Mm-hmm. Et c'est ça qui va le faire connaître, en fait. Et ça va lui donner beaucoup de crédibilité par la suite quand il travaillera au sein de l'administration de son frère. Oui, parce qu'effectivement, quand son frère John sera élu président des États-Unis, il va nommer Robert Kennedy procureur général des États-Unis. Quel genre de procureur fera-t-il, Karine Prémont? En fait, il va poursuivre le travail qu'il avait déjà amorcé au sein de la commission sur le crime organisé. Ce sera un de ses gros dossiers, un des enjeux sur lesquels il va travailler davantage. Et en fait, il met tellement d'ardeur à la tâche que les condamnations dans ce milieu-là vont augmenter de 800% très rapidement. Alors, il est passablement efficace, on l'imagine. Il va travailler aussi de plus en plus sur les questions des droits civiques. C'est un sujet qui le préoccupe, qui l'intéresse beaucoup. Il va chercher justement à trouver des solutions oui. pour permettre aux Afro-américains d'obtenir des droits et d'obtenir en fait des statuts équivalents au sein de la société américaine. Et donc, ce seront essentiellement là, les deux dossiers sur lesquels mm-hmm. il travaillera le plus. À la mort de son frère, il va décider de démissionner oui. Comme procureur général. Pourquoi? Essentiellement parce qu'il ne s'entend pas avec Johnson, le vice-président devenu président. Donc, il ne s'entend pas du tout avec Lyndon Johnson. Et ce, depuis les tout débuts de la présidence de son frère John. En fait, il ne s'aime pas du tout, ces deux-là. Il y avait beaucoup de pression quand John Kennedy est mort et que Johnson est devenu président. Il y avait beaucoup de pression pour que Johnson nomme Robert Kennedy vice-président. Johnson a complètement refusé. Alors, c'est une animosité là qui est très ancienne. Et donc, il ne voudra pas travailler avec ce président-là. Il va ouais. quitter ses fonctions. Il devient sénateur en 1964. Mm-hmm. C'est une période intéressante parce que c'est là où vraiment on commence à voir quelles sont les causes qui lui tiennent vraiment oui. à cœur. Il va défendre toutes sortes de causes. Quel genre de causes, par exemple? Mais ce sont des causes qui sont exactement dans la mouvance de ce que son frère et même de ce que Johnson avait commencé à mettre en branle avec ce projet de grande société où justement on va essayer de s'intéresser à la pauvreté, on va s'intéresser aux questions de discrimination, on va s'intéresser aux droits de la personne. Donc, Robert Kennedy va s'investir massivement dans ces éléments-là. Il est sénateur de l'État de New York, alors il y a matière à améliorer les choses. Et ce sont les causes qui vont lui tenir à cœur tout au long, mm-hmm. en fait, de son travail au Sénat. Et ça fait déjà plusieurs années qu'il s'intéresse à ces questions-là. Mais le terreau est fertile oui. à cette époque-là pour réaliser des choses, pour mettre sur pied des programmes intéressants. Et il est exactement dans ce mouvement progressiste-là. En 68, le président Lyndon B. Johnson est contesté de toutes parts, à l'intérieur même du Parti démocrate, si bien qu'il y a une course, une primaire qui va s'ouvrir du côté des démocrates. Oui. Robert Kennedy décide de se jeter dans la mêlée. Comment ça se présente, les choses pour lui au cours de cette primaire? Bien, au tout départ, Robert Kennedy ne voulait pas nécessairement là, se lancer dans la course alors que le président Johnson y était encore. Il avait prévu probablement le faire, mais pas à ce moment-là. Mais c'est que, justement parce que Johnson était contesté, on se rappelle que c'est la guerre du Vietnam, ce sont les protestations dont on parlait précédemment. Et là, ce qui va arriver, c'est que le sénateur du Minnesota, Eugene McCarthy, va contester le leadership de Johnson et va se présenter contre lui durant les primaires démocrates. Et évidemment, McCarthy sait bien qu'il n'a pas beaucoup de chances de l'emporter. Alors, il va tout mettre sur le New Hampshire, sur les primaires du New Hampshire. Il va réussir à obtenir 42% des votes au New Hampshire, alors que Johnson en obtient 49. Alors, on est quand même assez proche. Et c'est là que Robert Kennedy va dire, ben, j'ai peut-être des chances. Et effectivement, là, moi, je vais me lancer dans la course. Je pense que j'ai un projet. Je pense que j'incarne aussi des choses que les Américains veulent voir, c'est-à-dire de l'espoir. Et c'est à ce moment-là qu'il va décider de se lancer dans la course. Et il va annoncer sa candidature le 16 mars. Et en pleine saison des primaires dans cet État très, très important qu'est la Californie, qu'il va gagner. Oui. Le soir de cette primaire et de cette victoire, il est victime de cet attentat. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe ce soir-là, Karine Prémont? Bien, en fait, Robert Kennedy se rend à l'hôtel ambassadeur à Los Angeles pour prononcer son discours de remerciement à ses partisans, pour lancer la suite des choses. Alors, il s'adresse à ses partisans, là, quand même assez tard, là, pas trop loin de minuit. Il s'adresse à ses partisans. Et ensuite, il doit rejoindre dans une autre pièce les journalistes qui l'attendent pour la conférence de presse. Donc, il passe par les cuisines pour aller rejoindre cette pièce-là. Et c'est là, en fait, où tout se passe. Il discute avec un des serveurs qui est là, lui serre la main, tout ça. Et sur le tireur, Siran Siran, qui va décharger son arme sur lui. Et Robert Kennedy va s'écrouler, évidemment, par terre à ce moment-là. Il va mourir, pas tout de suite, peu près 24 heures plus tard, à l'hôpital. Le 6 juin. Voilà. Les motifs de ce tueur, qui est-il d'abord, Siran Siran, et pourquoi s'en prend-il à Kennedy? Siran Siran, c'est un Palestinien qui a la citoyenneté jordanienne. Il est né à Jérusalem. Il avait à ce moment-là 22 ans seulement, donc un tout jeune homme. C'est un anti-sioniste farouche. Donc, il s'oppose à la création de l'État d'Israël. Il s'oppose à l'existence d'Israël. Et ce qu'il a affirmé là, dans les jours qui ont suivi et pendant le procès, c'est qu'il s'en est pris à Kennedy en raison de son soutien à Israël, qu'il avait annoncé à plusieurs reprises pendant sa campagne. Et il a décidé de tuer Robert Kennedy à la journée anniversaire de la guerre des Six Jours. Alors, pour lui, c'était symboliquement de mettre fin à cet appui des États-Unis à Israël et de s'en prendre, justement, à tous ceux qui défendaient ce projet-là. C'est le motif qu'il a invoqué. Certains analystes ont dit qu'il y aurait peut-être eu nécessité d'examiner son état psychologique. Mm-hmm. Bon, ça n'a pas été fait. Il dit, depuis plusieurs années, ses avocats également, qu'il n'a pas souvenir de ce qui s'est passé. Mm-hmm. Il ne se rappelle plus de tout ça. Mais ce sont les motifs, là, dans les premiers jours, qui ont été invoqués par lui et par ses avocats. Et comme pour son frère John, l'assassinat de Robert Kennedy par Siran Siran va donner à Karine Prémont, va donner lieu vraiment à toutes sortes de théories. On écoute à ce sujet un reportage de Pierre Lecavalier au moment où le dossier de la police de Los Angeles sur la mort de Bobby Kennedy est rendu public 20 ans après les événements en avril 1988. L'entourage du sénateur et Kennedy lui-même n'avait apparemment aucune confiance envers les autorités de Los Angeles, à un point tel que les adjoints de Kennedy ne laissaient même pas les policiers municipaux s'approcher de lui. De même, après la fusillade, alors que Kennedy était transporté en ambulance, un de ses adjoints avait interdit à un ambulancier sous menace de mort de tenter de soigner le blessé. La femme du sénateur, Ethel, avait même arraché des éponges des mains de l'ambulancier pour les jeter au sol. Depuis ce jour, la police a enquêté sur de nombreuses rumeurs de complot dans cette affaire, à l'effet que le tueur, Siran Siran, n'avait pas agi seul, mais l'enquête n'a jamais rien pu prouver. Les dossiers révèlent plusieurs incidents qui avaient été soigneusement examinés puis rejetés. Parmi ceux-ci, le témoignage d'une caissière qui s'était fait dire par un inconnu dans un ascenseur quelques heures avant l'assassinat. Inutile de voter pour Kennedy car il va mourir ce soir. Regardez la télévision et vous verrez. Alors, Karine Prémont, quelles seront les principales théories? Il y en aura beaucoup. Quelles seront les principales théories qui circuleront autour de l'assassinat de Robert Kennedy? Ce sont des théories qui ressemblent beaucoup à celles qu'on a entendues après la mort de John Kennedy. En fait, c'est toujours un peu la même chose. C'est toujours la CIA, encore une fois. Donc, la CIA qui aurait voulu, par représailles, se débarrasser aussi de Robert Kennedy suite à la baie des cochons. Donc, c'est toujours cette même histoire qui circule. Mais surtout, cette théorie du deuxième tireur, qui a un peu plus d'emprise parce que on n'a pas vraiment d'image, en fait, de l'assassinat lui-même. Ce qu'on a, c'est surtout des bandes audio, des photographies, et elles ont servi, ces preuves-là, d'une certaine façon, à reconstituer un peu ce qui s'était passé. Et on semble entendre une dizaine de coups de feu, alors que le chargeur du tireur, en fait, ne pouvait en contenir que 8. Et donc, c'est là que la théorie du deuxième tireur apparaît. Mm-hmm. On a l'impression aussi qu'il a reçu une balle à l'arrière de la tête, alors que le tireur était devant. Donc, encore une fois, ce sont des théories pas mal toujours les mêmes qui circulent. Mais on n'a jamais réussi, effectivement, à démontrer là, la validité de ces théories-là jusqu'à maintenant. Et on n'a jamais réussi à mettre la main sur qui que ce soit d'autre depuis tout ce temps. Donc, encore un flou, malgré tout, après toutes ces années. Cette mort de Robert Kennedy va avoir un impact important, symboliquement, on y viendra dans un instant, mais un impact aussi très, très concret. Quel impact ça va avoir? Bien, Le Congrès va voter une loi pour déterminer que les candidats à la présidence vont devoir obtenir la protection des services secrets. Ce n'était pas du tout le cas avant. Donc, c'était des gardes du corps privés de Robert Kennedy qui étaient là, par exemple, au moment de son assassinat. Mais ils n'ont pas réussi à empêcher le tireur, en fait, de s'en prendre à Kennedy. Mais le Congrès va dire, ça suffit, nous devons maintenant protéger les candidats présidentiels. Et depuis, évidemment, c'est la tradition. Mais aussi, c'est que ça va achever, si on veut, de miner le Parti démocrate, pardon, qui va connaître une convention à Chicago en 68 désastreuse. Ce sera le chaos. Et on ajoute encore une fois là, les tensions liées au Vietnam, là, qui j'insiste beaucoup là-dessus parce que effectivement c'est vraiment le cœur de l'affaire. Donc ça va complètement achever de miner le Parti démocrate et ça permettra l'élection de Richard Nixon, du républicain, qui aussi amènera son lot de problèmes et de confusion. Mais néanmoins, ce sont les deux effets concrets là, qu'on peut mesurer rapidement. Et puis il y a du moins concret, mais du tout aussi et même plus important probablement l'importance qu'aura, l'impact qu'aura cette mort sur un plan plus symbolique, sur la dynamique sociale qui est engagée aux États-Unis à la fin des années 60. On écoute à ce propos John Mason, qui était à l'époque, en 68, un leader de la gauche étudiante américaine, extrait d'une entrevue diffusée à l'émission Présent du 3 juin 1988. C'était une période terrible qui nous a marqué pendant 20 ans. Je pense que là, on était face à une évolution relativement positive de la société américaine, d'un réalignement réel du Parti démocrate. On avait sur place des hommes en janvier 68, tels que Martin Luther King et Bobby Kennedy et peut-être d'autres, qui auraient pu modifier l'évolution de la situation. Et d'un seul coup, nous avons vu ces hommes-là disparaître de la scène publique. Alors, la mort de Robert Kennedy, Karine Prémont, on l'entend bien, c'est pour cette jeunesse militante américaine, c'est vraiment un grand coup de désillusion. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible parce que on ne sait pas non plus à quel point cette violence-là va continuer parce qu'on parlait de Martin Luther King, il y avait John Kennedy préalablement, les tensions dans les villes, les émeutes, les protestations contre le Vietnam, maintenant Robert Kennedy. Alors, on est un peu dans l'inconnu, on est un peu dans l'incertitude de ce que cette série d'assassinats-là va se poursuivre, à qui on va s'en prendre après. Et c'est comme un peu la fin des espoirs du mouvement hippie d'une certaine façon. C'est vraiment là une période qui s'achève, c'est la fin de l'enchantement, c'est la fin de l'espoir pour les Américains, parce que les Kennedy incarnaient ça là, de façon spectaculaire. Oui. Alors, de s'en prendre à ces deux figures-là, généralement bien aimées aux États-Unis, ben, c'est de dire, ben, cessez de rêver, cessez de vouloir améliorer le sort des gens, parce qu'on ne va pas vous laisser faire d'une certaine façon. Et puis, un élan de rêve, d'optimisme, d'idéalisme qui est brisé par une violence inouïe, bête, cruelle. C'est ça aussi, le contraste. C'est une violence qu'on voit à la télévision maintenant. Un peu comme l'assassinat de John Kennedy que les Américains ont fini par voir, les images extrêmement choquantes qu'on a vues de Robert Kennedy, les yeux ouverts avec du sang derrière la tête, c'est extrêmement violent. Donc, c'est comme une nouvelle ère aussi de « on va vous montrer maintenant à quoi ressemble la fin de vos illusions et ça va être dans le sang tout le temps ». Et c'est ça que les Américains voient et il est là le choc aussi. Nous ne sommes pas à l'abri de cette violence. Comment se compare, non pas les deux morts, parce que, mais comment se compare au fond les deux figures et le destin qu'elles connaîtront toutes les deux, celle de Robert Kennedy et de son frère John. On écoute à ce propos d'abord un extrait du dernier discours de Robert Kennedy avant qu'il ne meure. Et tout de suite après, Pierre Salinger, proche conseiller des Kennedy, à l'émission Présent dimanche en 1988. Question de voir qui était Robert Kennedy et comment on peut comparer les deux hommes. What I think is quite clear is that we can work together in the last analysis and that what has been going on within the United States over the period of the last 3 years. Je pense que nous pouvons en arriver à travailler ensemble. Et malgré les divisions des dernières années entre noirs et blancs, entre pauvres et riches, et autour de la guerre du Vietnam, on peut commencer à travailler ensemble car on fait partie d'un pays généreux et rempli de compassion. Beaucoup de gens essaient de lier ça à la personnalité de John Kennedy. Mais le fait est que entre John Kennedy quand il était candidat et quand il était président et le Robert Kennedy qui s'est présenté en 68, il y avait des différences absolument énormes. entre le pragmatisme de John Kennedy, qui a dominé sa présidence, il y avait cette nouvelle idéologie que Robert Kennedy a mise sur la table, une idéologie personnelle qu'il avait développée lui-même et qui a beaucoup touché les Américains. C'est une question complexe, Karine Prémont, mais comment on peut comparer ces deux hommes, les deux frères, Robert et John Kennedy? Bien, en fait, Salinger a tout à fait raison. John Kennedy était davantage pragmatique. Robert Kennedy incarnait peut-être davantage l'idéaliste. Mais en même temps, c'est un idéaliste qui avait un flair politique extraordinaire, qui avait une intelligence époustouflante et une intuition des problèmes politiques. On se rappelle que dans la crise des missiles de Cuba, il a joué un rôle extraordinaire. Il a conseillé son frère de façon magistrale sur cette question-là. Donc, il avait un sens politique. Il avait également... peut-être lui, à l'époque, qui a fait qu'il a pas eu d'affrontement, finalement. C'est un des joueurs importants, ouais. En tout cas, qui a permis cette conclusion heureuse-là. Mm-hmm. Donc, souvent, on idéalise John Kennedy parce qu'il était aussi un symbole physique, un symbole important de cette génération-là, mais c'est Robert Kennedy, en fait, qui avait ce sens politique, qui avait cette intelligence, qui avait cette passion de la politique. John Kennedy était là un peu par accident, parce que son frère aîné était décédé, alors que c'est lui qui était destiné à une vie politique. Et on revient au Kennedy, clan. Le père revient au clan. Kennedy voulait absolument, il devait avoir un fils... Soit voilà. Président, ouais. Mais c'est Robert, en fait, qui avait cette passion-là, qui avait cette ferveur-là et qui a tout fait, en fait, pour faire de la présidence de son frère une réussite. Et à bien des égards, il y est parvenu. Plus idéaliste, plus progressiste que John? Oui. Absolument. Il était moins dans le calcul politique aussi. John Kennedy était un politicien qui savait bien qu'il ne devait pas aller trop rapidement ou trop abruptement sur les questions de droit civique, par exemple. Alors que Robert Kennedy, lui, il disait il faut défoncer des portes, il faut forcer les choses, il faut rentrer cet élément-là dans la gorge, s'il faut, des récalcitrants. Alors, il avait moins ce sens, si on veut, de la négociation politique. Et c'est pour ça, peut-être, là, qu'il paraissait plus progressiste parce qu'il voulait aller plus rapidement, en fait, sur ces questions. Là. Dernière chose, c'était évoqué un petit peu dans le reportage de Judith Jasmin au tout début de l'émission à Karine Prémont. Il y a toute une partie de la population américaine qui soutenait Robert Kennedy, mm-hmm. qui ont réagi tout de suite à sa mort et même avant sa mort en se disant « les Kennedy sont là oui. et après Robert, il y aura Ted ». Il y aura Ted. Ça ne se produira pas. Non, Ted Kennedy va se lancer dans la présidence aussi quelques années plus tard. Il aura des réponses malheureuses à une entrevue dans laquelle il n'est pas capable d'expliquer pourquoi il voudrait être président. Alors, on le voit un peu comme le porteur de ce lourd héritage-là, alors qu'il ne le veut pas vraiment. C'est toujours un peu... La relation des Américains avec Ted Kennedy a toujours été un peu ambiguë. Mais il a démontré, notamment pendant ses longues années au Sénat, à quel point il a été un joueur politique essentiel, qui n'était vraisemblablement pas destiné à être président, qui n'était pas destiné à être le seul au sommet, mais il était un joueur d'équipe pour les démocrates de façon extraordinaire. Et les trois frères enterrés ensemble au cimetière d'Arlington, à Washington, D.C., c'est émouvant en soi mm-hmm. de les voir là. Et on comprend l'importance de ces hommes-là pour le développement de la politique américaine, le développement de la société américaine elle-même également. Et que c'est plus qu'un symbole. On comprend aussi pourquoi ils sont oui. si importants dans l'imaginaire collectif américain. Karine Prémont, merci beaucoup. Merci. Karine Prémont, politologue à l'Université de Sherbrooke, directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.